Bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock for Show, 81e émission sur Radio Bills. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir nous recevrons Tagada Jones, mais d'abord je vais vous présenter notre fine équipe. Outre Philemol qui vous parle actuellement, il y a la très jolie, charmante et très maquillée ce soir, Jen. Salut, très maquillée. Ouais, elle a mis du rouge à lèvres, ça fait beaucoup. J'ai mis du rouge à lèvres, alors pour une fois, voilà, j'ai mis du rouge à lèvres, c'est pas... Bah c'est pour ça que très maquillée, parce que d'habitude il n'y a rien, donc là c'est très maquillée. Ouais, ou alors c'est plus naturel. Non, d'habitude il y a moins de rouge à lèvres, voilà, c'est ça. Surtout ça. En fait, c'est ça. C'est plus discret. Moi j'aime bien quand elle m'embrasse, ça fait des lèvres... Comme bah ça, non, c'est... celui-là, il n'y a pas de transfert. Ah bon? Eh ouais, j'ai fait exprès, c'est le rouge à lèvres qui tient. C'est le waterproof. C'est waterproof. D'accord. Bon, et celui qui a mis du waterproof, c'est Tom. Et celui qui va passer par le quatrième étage, c'est Phil. Bonsoir Tom. Bonsoir. Alors toi Phil. Par contre tu marques, hein. Tu marques beaucoup, hein, avec ton waterproof. Ouais, grave. Et puis on a notre invité mystère qui est là toutes les semaines. Comme maintenant. À chaque fois. Ouais, mais oui. Maintenant c'est notre invité mystère permanente. Hein, non, elle a pas fait une permanente, mais elle est là. Bonsoir à toi, invité mystère. Bonsoir. Il y a un micro juste devant elle. Hein. Mais elle veut pas parler. Elle veut pas. Tu sais qu'elle aime pas. Mais dis qu'elle aime pas. Elle la force pas. Dis bonsoir micro. Non mais dans le micro. Là, elle m'a dit bonsoir. Voilà. Voilà. Ah quand même. Et puis on dit bonsoir à tous les auditeurs du Québec. Eric Flynn, Hugo. Bah voilà, ils sont deux. Bon allez, ce soir vous avez écouté en ouverture d'émission le grand, le fameux, le Canadien. Ouais, il vient de là-bas. Ottawa, non, c'est ça? Ouais, il vient de... Non, de Toronto, je dis n'importe quoi, moi. C'est Monsieur Danko Jones. Enfin, le groupe s'appelle Danko Jones. Et nous avons passé She Likes It. C'est vrai que vous aimez ça, les filles? C'est vrai ou pas? Bah ça dépend de quoi on parle. Bah je sais pas, She Likes It. Si on parle de cul, oui. Bah, ouais. Voilà, et le titre de l'album s'appelle Wild Cat. Donc je pense que ça parle effectivement de... Je pense, hein. L'album est sorti chez AFM le 3 mars, donc c'était la semaine dernière, hein. Et la semaine d'avant encore, hein. Ouais, ça fait déjà... Tu te réveilles, toi, le 3 mars, on n'était pas à film. C'est vrai. C'est un trio, donc, de hard rock qui s'est formé en 1996, et surtout, ils seront en concert à la Maroquinerie avec Audrey Horn, ce sera le 30 mars. Et vous savez quoi? Nous avons des places de concert pour vous. Danko Jones! Au 06... 81 01 28 34. Voilà, donc vous pouvez nous appeler. Alors qu'est-ce qu'il faudra dire? Il faudra dire à quelle famille appartient Danko Jones. Attention, il y a un piège. Parce que ce soir nous recevons le groupe Tagada Jones. Peut-être de la même famille, nous ne savons pas. Est-ce qu'ils sont tout rouges et sucrés? On verra tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il s'appelle Jones? Oui, il s'appelle Jones. Nico Jones, et voilà, c'est lui qui viendra tout à l'heure. Il n'y a pas Avril, William, Joe et Jack? Ils sont quatre, hein, de toute façon, donc peut-être, on va lui demander hein, tout à l'heure. Voilà, et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Battle Beast, et ils en sont à leur quatrième album, et oui déjà, ce dernier est sorti le 17 février, il se nomme Bringer of Pain chez Nuclear Blast, voilà. Ils nous viennent de Finlande, Helsinki, nous font du heavy metal, à voix féminine comme vous l'entendez. Le groupe s'est formé en 2008 et ils seront en concert le 25 mars à Paris au Petit Bain. Très bonne salle. J'y étais avec notre cher Tom, hein, et puis notre cher invité mystère qui est là à côté de nous ce soir au Petit Bain. Nous avons été voir Blaise Bellet et c'était pas mal. Hein, hein. C'est cool. Oh, c'était cool. Il y avait Dreamcatcher en ouverture. C'était cool. C'était une bonne soirée. Voilà. T'en prenais plein les oreilles. C'était bien parce qu'on s'est couché tôt. Enfin, tard, parce qu'on a été mangé après. C'est l'avantage. Franchement, il y a un avantage et un inconvénient à ce type de soirée pour ceux qui sont fans et moins fans. C'est vrai que la soirée commençait à l'ouverture des portes 18h30, 19h. Ouais, premier concert 19h30. Ouais. Donc on a fini, il était 10h à peu près pour dire. Donc on a eu le temps d'aller manger après tranquillement. Ouais, on a eu le temps d'aller manger, de choper le dernier métro et tout ça, c'était bien. Ouais, c'était large. Non. Après, on a regardé le dernier journal. Il y en a qui ont réussi à se casser la gueule dans le métro aussi. Moi je dirais pas qui. C'est vrai? Ah bon? Notre invité mystère s'est cassé la figure? Non, non, toi. Moi? Ou t'étais pas loin? Moi j'étais sur le tiers. Il était bourré! Mais j'étais sur le tiers. Presque. Mais n'importe quoi. T'as pas bu? Mais non, j'ai rien bu. J'ai bu un verre de vin. C'est bon. Allez, buvez! Avec modération. Bon, on vous rappelle quand même ce concert de Battle Beast. Il aura lieu le 25 mars à Paris au Petit Bain avec Majesty et des Geist. Et vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34 également pour rafler des places. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Quel est le jeu qu'on va vous trouver pour rafler des places? Eh bien, c'est simple. Vous nous appelez et comme ça, on vous passera à l'antenne. Et vous dites Rock for Show, c'est chaud. On va continuer avec la suite de la programmation avec Trivium qui seront eux aussi en concert. Le concert aura lieu quand? Ben, le 22. Le 22 à Paris au Cabaret Sauvage. L'album est sorti le 2 décembre 2016 chez Life Force. C'est un album, un concept album. Il est en 2 CD. Il s'appelle comment, ma chère Jen? Alors, excusez-moi. Elle est décuve. Elle est au taquet. C'est bon. Je suis au taquet. Ember, c'est printemps, je suis au taquet. Laisse-moi. Mais non, il s'appelle pas je suis au taquet. Non, c'est leur 8e album. Oui. Voilà, tu vois, je suis. Voilà. Ils viennent d'où ? Eh ben, ils viennent de là-bas et c'est à Orlando. Oui, où voilà, ça ? C'est loin, Orlando. Orlando, ben, c'est à côté d'Anthony. Non ? Ah non, c'est pas ça. À côté de Dalida. Orlando et Dalida. Non, ils nous viennent de. Putain, ça, faut que je me. Désolé, hein, je suis un peu. Ah là, des USA. Hein, des USA, USA hein, voilà, des voilà. États-Unis d'Amérique. Voilà, ils se sont formés en 2000 et ils sont en concert au Cabaret Sauvage le 22 mars, donc mercredi prochain. C'est ça. Nous, on sera pas là. Non. Parce qu'avec l'invité mystère, on va à Mike Tramp. Ouais. Voilà, à Cergy Pontoise. Ouais. Et que je suis désolée pour eux, pourtant en Trivium, à ce qui paraît, c'est sympa. Voilà. Donc le titre que nous allons écouter, c'est Fugue a Revelation, tiré de l'album Ember to Inferno. AB Initio. Voilà, c'est l'album, le nom de l'album AB Initio. C'est le nom de l'album complet. Il est très très bien cet album. C'est un peu hardcore quand même. On va dire comment ils appellent ça, metalcore. Voilà, c'est ça, metalcore. Je pense qu'ils seront pas tout seuls, mais j'ai pas trouvé les invités qui seront avec Trivium. Donc si Tom, au lieu de raconter n'importe quoi, nous trouve les invités, bah ça sera sympa. Nous continuerons avec un autre groupe qui sera en concert et pour lequel nous avons également des places à vous faire gagner. Le groupe s'appelle The Royal. Ah, j'aime bien leur nom. Hein, c'est pas mal. Ouais. C'est tiré de quel album ? Alors, c'est tiré de l'album Seven, comme le film. Mmh. Et le titre qu'on va vous passer, c'est Wild Mind. Exactement, sorti chez Long Branch Records. Il sortira le 31 mars 2017. Et c'est le troisième album du groupe. Et le groupe nous vient de l'autre pays du fromage. Là, c'est un pays du fromage, la Hollande. Bah ouais, c'est l'autre pays du fromage, oui. Oui, le Gouda, les mains. Du fromage. Bah oui, c'est le seul fromage qu'ils ont. L'ami Molette aussi, c'est un ami. C'est The Fromage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, l'air d'Hammer, où je fais un malheur, tu vois. Bah tout ça, ça vient de Hollande. C'est l'autre pays du fromage. Moi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le pays de la tulipe. Aussi, et des moulins à vent. Et des moulins à vent. Voilà. Le pays qui est sous l'eau. Et de la drogue. Oh. Et des putes. Voilà. Ouais, consommer avec modération. ça, c'est Amsterdam. Ça. Et donc, c'est où Amsterdam ? Quartier Rouge, Amsterdam. Donc c'est un quintet metalcore. Ils se sont formés en 2012 et ils seront en concert également à Paris le 19, c'est-à-dire dans 3 jours, c'est ça ? Oui, 3 jours. C'est ça. À Paris, ce week-end. Au Bateau Phare avec Dreamshade. Show me your universe et Out of My Eyes. Exactement. Voilà. Et nous terminons. Non, pas encore, si. Non, si. Non, il y a encore deux titres. Avec Ed Charger, qui nous sort son nouvel album, et qui seront en interview le 30 mars dans le Rock for Show. Et nous vous proposons donc un titre en exclusivité ce soir de Hexagram, et il s'appelle ce titre... Gucci Move. Exactement, ça sortira le 24 mars chez Vericorn. C'est le 7e album du groupe, qui nous vient de Caen. Ouais. Tout à fait. Ah, ils viennent de quand pour l'interview ? Bah, le 30. Le 30 mars, ils viendront. Oui. Hein, oui. Mais oui, ils viendront de quand ? Voilà, exactement. Et c'est un quintet français formé en 1997. Voilà. Mais si, j'ai compris. Ah, ils viennent de quand ? Mais bah, ils viendront quand ? À quand ? Oui, de quand ? Oui, mais hein, j'ai compris, bon, aussi. Voilà. C'est pour ça. Et je crois que les gens, ils ont pas compris. Non, mais c'est pas grave. En même temps, c'est pas bien grave. Nous le répéterons, ils réécouteront en replay. Hein. Mais oui, voilà. Et nous terminerons donc cette première plage musicale avec Eclipse. Nous éclipserons donc. Voilà. Hein, pour vous laisser. Vas-y, va-t'en. Voilà. Avec le tant attendu nouvel album Monumentum, qui sortira le 24 mars, lui aussi. Chez Frontiers. Et le titre que nous allons écouter ce soir. Never Look Back. Exactement. L'album fait 11 titres, c'est le 6e album du groupe. Le groupe est suédois, ils nous viennent de Stockholm. Et puis ils se sont formés en 1999. Voilà. On vous laisse en musique avant de retrouver Tagada Jones tout à l'heure en interview. Vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34 pour ceux qui veulent rafler des places pour Danko Jones, pour Battle Beast et pour tout ce qu'on vient de vous dire à l'instant. Musique Maestro. We'll be right back. Yes, it's string of two, it's three of them. De retour dans les studios, il est 20h passé de quelques minutes ici en France et sur Radio Biz, eh bien il est 15h. C'est ça ? Ouais. Il est 15h. L'heure de la sieste. L'heure de la sieste au Canada, au Québec. Vous venez d'écouter quoi, ma chère Jen ? On a écouté plein de choses. Alors, nous avons écouté Trivium, The Royal, Head Charger, Eclipse. Et pour Trivium, eh bien, il y a des groupes qui s'appellent Six, qui sont en première partie, et un autre groupe, S-H-V-P-S, V-P-E-S. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, mais ça voilà. Ça se prononce pas, c'est les initiales de chaque musicien. C'est peut-être ça, en plus. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Bah, c'est peut-être ça. En tout cas, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Seven Weeks, et ils seront en concert, ma chère Jen. Tout à fait. Alors, ils seront en concert à la Boule Noire le 18, donc il me semble que c'est samedi. Samedi avec Los Descendants del Sucio Motel. Tiens, ça me dit quelque chose, je l'avais déjà dit. Et The Videos. Ok, et nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Pour cela, il faut nous envoyer un petit message avec une rime pour le Rock for Show. Ah, vous vous débrouillez, le Rock for Show, c'est... Vous nous envoyez une rime, d'accord ? Et vous raflez une place pour Seven Weeks, ou pour Danko Jones, ou pour Battle Beast, ou pour autre chose, on verra. Hein. Sachez que ce soir il y aura des CD normalement de Tagada Jones à gagner. Maintenant c'est pas gagné parce qu'on essaye de retrouver le numéro de téléphone pour rappeler Tagada Jones. Et puis il y a eu une petite Monsieur Tom, hein, puisque ce n'est pas Head Charger qui est passé en premier, mais c'est Eclipse qui est passé en premier. Donc voilà, c'est, ne vous étonnez pas pour les fans de Eclipse. En troisième. Pour ne pas. Je sais bien ce que je dis. C'est Eclipse qui est passé avant Head Charger. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Et donc pour tous ceux qui sont fans d'Eclipse et de Head Charger, si vous avez entendu un truc qui ressemblait à Head Charger et qu'il n'était pas à la bonne place, bah c'était bien Head Charger. Hein, pareil pour Eclipse. Nous allons continuer donc avec la suite de la programmation avec des groupes français. Nous allons commencer avec Earth Attack qui vont sortir leur nouvel album très très très bientôt puisque ce sera le 24 mars. Cet album qui s'appelle The Resilience et le titre que nous allons écouter ce soir, ma chère Jen. Alors, Burn My Flesh. Et ça sortira chez qui? Le 24 aussi. Apathia Records. Mais chez Apathia, ouais. Ah. C'est leur deuxième album, il contient 10 titres, c'est un quatuor de thrash metal. Ils sont passés en première partie de Loud Blast et Tank au plan Harris-Orangis le 28 janvier. D'accord. Voilà, pour tous ceux qui étaient. Et ils nous viennent des Alpes de Haute-Provence, ils viennent de Cannes. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, ils se sont formés en 2007 et ils nous font du trash metal. C'est un quatuor. Nous enchaînerons ensuite avec Bagdad Rodeo, nouvel album. Une petite exclue ce soir puisque c'est tiré du titre de leur troisième album qui se nomme. 3 ! Bravo ! Et le premier album se nommait 3 ! Ah non, mais... Et le premier album se nommait... Avant 2, c'est 1 ! Ouais ! Le deuxième album se nommait... Deuxième ! Non, 2, tout simplement. Et le titre que nous allons écouter ce soir s'appelle Tes idées. Écoutez bien les textes, hein, parce que c'est quand même assez marrant chez Tagada Jones. C'est une autoproduction qui sortira le Bagdad 12... Bagdad Rodeo, excuse-moi. Bagdad Rodeo, qui sortira... Merci, Tom. Qui sortira le 12 avril. On a perdu. Et c'est leur troisième album. Il contient 15 titres. Ils nous venaient de Paris, mais ils ont déménagé. Hein, parce qu'ils sont partis à Montpellier, c'est ça ? Enfin, on peut dire qu'ils sont toujours de Paris, parce qu'à la base, ils sont nés à Paris. Donc, voilà. Ouais. Ils nous font du punk rock... avec beaucoup d'humour et beaucoup de contestation également. Et ils seront surtout en concert le 26 avril. On aura le temps de vous en reparler puisque le groupe sera en interview au mois d'avril dans le Rock for Show. Et sinon, bah, le concert se passera le 26 avril au backstage. C'est rue Barbès Rochechouart, c'est métro Blanche. Blanche. Blanche, c'est juste en face de. Enfin, c'est à côté du Moulin Rouge. Voilà. Nous enchaînerons ensuite, c'est sûr, on va enchaîner avec Tagada Jones, mais on espère qu'on va les avoir au téléphone, parce que c'est pas gagné, hein. Normalement, ils auraient dû nous appeler, et le numéro que j'ai appelé, bah, c'est pas le bon, donc on va essayer. En tout cas, leur album s'appelle La Peste et le Choléra, Et le titre que je vous propose d'écouter en ouverture pour présenter cet album s'appelle Perte et Fracas. L'album est sorti le 3 mars chez Atom, c'est leur 10e album, il contient 12 titres, ils nous viennent de Rennes et ils se sont formés en 1993. Merci bien Jen. Mais je t'en prie. Et il y aura des albums de Tagada Jones à gagner, mais pas tout de suite, hein. On attendra la fin de l'interview pour vous faire gagner des albums de Tagada Jones. On envoie en attendant tout de suite le son de Heart Attack, Bagdad Rodeo et Tagada Jones Music. c'était un sport d'être con. Tu serais sûrement un putain de champion. Oui, si c'était un sport d'être con, tu serais sûrement un putain de champion. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, de 19h30 à 21h30 pour la France et 14h30 à 16h30 pour le Québec et puis partout dans puis, le monde. Et là, ce sera seulement en podcast parce que vu qu'il y a un problème de connexion avec le Québec, changement d'heure oblige, ouais. Je sais pas, c'est la merde ce soir, je crois que... Donc il n'y a pas d'émission en direct là, c'est ça que tu veux dire? Pour l'instant, on n'est pas diffusé en direct. D'accord, okay, super, c'est génial. Donc archive.org, hashtag Rock for Show, vous y retrouvez ici, maintenant. Bon, et puis rien ne va ce soir puisque Nico de Tagada Jones devait nous appeler. Et nous ne l'avons pas. Donc, par contre, on reçoit des petits messages. Alors, je peux pas tout faire en même temps à l'antenne, mais je le fais quand même. Voilà. Ah bah c'est un truc d'Anthrax maintenant que je reçois, donc ouais on s'en fout un petit peu d'Anthrax hein, les enfants. C'est qui m'envoie ça? Qui c'est qui m'envoie ça? Ah ouais d'accord, bah c'est bien, super Vincent, on est content, mais ce qu'on voudrait c'est Nico de Tagada Jones. Et puis Eric Flynn de Radio Québec aussi. Oui, Eric Flynn de Radio Québec aussi. Bah, tu peux peut-être l'appeler lui. Tu peux bah, j'ai essayé. Ah, non, ça marche pas non plus. Si tu veux, voilà. Bon, bah, rien ne marche ce soir. C'est pas grave. En tout cas, nous avons écouté jusqu'à présent Heart Attack. Nous avons continué avec Bagdad Rodeo. Et terminé avec Tagada Jones. Voilà, et vous entendez toujours Tagada Jones en fond sonore, tiré de leur album La Peste et le Choléra. Et c'est le titre justement éponyme de cet album qui est en train de passer en fond sonore. Nous allons donc pas vous passer le reste des morceaux que nous avions prévus de Tagada Jones pour ce soir, mais nous allons passer directement à la suite de la programmation musicale, en attendant et en croisant les doigts pour avoir Tagada Jones au téléphone. Mais bon, à mon avis, je crois que ça va être un petit peu compromis. Normalement, on aura dû passer du Tagada et on va passer directement à Radio Free Universe. Ça tombe bien, nous allons faire de la radio pour les sourds ce soir. Avec le morceau qui se nomme, ma chère Jane. Pourquoi tu me donnes tous les trucs? Bah, vachement dur, mais moi j'aime bien te torturer un peu. Mon accent. Là ça va, le titre il est facile, mais me demande pas le titre de l'album quoi. Non, mais si, allez. Si. Donc c'est Rit, on va vous. Désolé, je capte plus. Non. Allez, vas-y, lance-toi. On va vous passer un titre qui est tiré de l'album Casa del Diablo. Putain, j'ai trop du mal. Faut arrêter de boire. Hein. Non, mais c'est même pas avec ça. Des amis, je crois qu'en fait, arrêter. C'est hein. Le manque de sommeil. Et alors le rhythm and bones. Bones. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. D'accord. Et le groupe s'appelait donc Radio. Radio Free Universe. Ok. Ça sort le 17/3, c'est-à-dire demain. C'est ça, hein? Oui, c'est demain. Et oui, c'est chez demain, Jetpack ouais. Records, et c'est un groupe canadien qui sort son premier album, un groupe de Hamilton dans l'Ontario. Ils nous font un rock hard pour les fans de Pearl Jam, de Chris Cornell, d'Audioslave. Voilà, donc à découvrir. Nous enchaînerons ensuite. Alors, ça va tout modifier, c'est pas grave. Ça fait un bordel, voilà. On ne raconte pas. Mais nous enchaînerons donc avec ADX. Bah non, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut passer maintenant. Donc on va enchaîner avec quoi, mon cher Tom? C'est pas grave si je te modifie tout, c'est bon? Ouais. Non, tant que tu me préviens, c'est bon. Voilà, donc on va passer Cirit Gorgor, hein, ce qui devait passer à la fin, on va le passer maintenant. Donc après Radio Free Universe, on passera Cirit Gorgor, on changera complètement d'univers, puisqu'on ira faire un tour du côté de la Hollande, l'autre pays du fromage où on était tout à l'heure, avec un groupe un petit peu plus black metal. Le titre de l'album, ma chère Jen. C'est un EP en plus, c'est un EP et c'est... Bah oui, d'accord, c'est un EP quoi. Alors, Bidendod Ant. Ouais, parce que je pense que ça doit être voilà. Du... Ça doit... Hein ? Est-ce qu'on en parle ? Oui, ça doit être du hollandais. Et le titre de le titre qu'on va vous passer, c'est A Vision of Lucifer. Alors voilà, pourquoi ils n'ont pas appelé leur album comme ça ? Non, je c'est sais pas. Bidendod en plus, Ant. C'est pas un album, en plus, c'est un EP. Alors tu vois, les 4 titres. Il nous emmerde rien que pour ça. C'est quand même dingue, non, ça. Bah voilà. Donc, ils ont signé chez Hammer Earth Records. Et ça sort. Et c'est sorti. C'est sorti le 6 mars 2017. Donc, ils nous font du black metal. Ils se sont formés en 1993. Ils ont 7 albums à leur actif. Et a priori, ils étaient le 11 mars à Montbéliard. Voilà, là où ADX jouera. Mais tu vois, c'était pour ce week-end. Hein, voilà. Avec, justement, Ignis Fatus. Donc, parlons-en d'ADX, parce qu'on va vous les passer, hein? Ah oui, on va vous les passer. T'es en furie, au sang. Pour l'instant, on envoie... Shotake. S'il vous plaît, les enfants. Pour l'instant, on envoie ces deux titres, et puis on essaye de contacter, donc, Tagada Jones. On va filer aussi, le voilà, taquet. Pour essayer d'avoir cette maudite interview musique. The dazzle like a fallen king. I've been walking for a lifetime. I could feel my feet in the stone. Saw the sun take the nameless ones. They were digging for the water. All they found was rhythm and bones. 40 days and nights. Pharaoh of the seventh son. Got to live forever. All they do is kick me around. Everybody wants to be this dad when they're buried with the riches. Now I'm just a hole in the ground. For the days and nights of rain can't wash the pain away. I'm too broken to be brave. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show, de 19h30 à 21h30, nous avons retrouvé Nico, Nico de Tagada Jones. On vous rappelle le nouvel album, c'est La Peste et le Choléra, c'est le titre que vous entendez en fond sonore. Et tout à l'heure, nous avons passé quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a passé tout à l'heure ? Perte et fracas ! On avait perdu Nico tout à l'heure, et c'était le fracas dans la radio. Voilà, bonsoir à toi Nico. Salut, ça va bien ? Ben ouais, on a eu une grosse frayeur, on s'est dit ça y est, on va pas l'avoir ce soir, c'était bien dommage. Eh bien si, on t'a retrouvé, on est bien content. Alors comment s'est passé le sport ? Comment s'est passé le sport ? Je t'entends de loin. Le sport ? Ah, c'était le sport, nous c'est toujours une chose qui nous tient à cœur. Donc moi je fais du judo depuis des années, quand j'étais jeune, j'étais en équipe de France, donc je continue. Quand on n'est pas parti en concert et qu'on n'est pas à traverser les routes de France, je vais un petit peu m'entretenir, on va dire, et puis je continue. C'est une autre passion que j'ai depuis des années et que ça fait du bien. À mon avis, je ne peux que conseiller aux gens d'aller faire du sport de manière générale. Alors on a découvert cet album avec grand plaisir, comme tous les albums de Tagada Jones. On a été rassuré parce que la verve est toujours là, la fureur est toujours là, et puis surtout la colère, il y a toujours ces textes qui dénoncent, hein, et qui rentrent dedans, qui appuient là où ça fait mal. Et justement, avec les élections qui approchent, c'est vraiment l'album qu'il faut écouter en long, en large et surtout pas de travers. Voilà, Tagada Jones nous ressort un nouvel album. Parle-nous un petit peu des textes. Je pense qu'ils sont venus un petit peu tout seuls grâce à l'actualité qui s'est développée depuis 2-3 ans. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver dans cet album Entre la peste et le choléra ? Bah écoute, c'est vrai que nous, ça fait on a commencé il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, avec cette idée de vouloir mettre le doigt, je dirais, sur les problèmes qui nous dérangent. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a toujours des problèmes, pas forcément les mêmes, mais d'autres problèmes, et puis il y en a qui n'ont pas vraiment changé d'ailleurs, qui nous dérangent tout le temps. Et c'est vrai qu'on a eu, on a commencé à composer cet album, on ne s'est pas vraiment... poser la question, parce qu'il y a une multitude de sujets qu'on pouvait aborder, et on en avait tellement d'ailleurs sous le pied, je dirais, des sujets, que nous est venu assez rapidement le titre de La Peste et le Choléra, parce que plein de fois on trouvait qu'on avait le choix finalement entre deux choses négatives, tu vois, c'est pour ça qu'on a vraiment opté pour ce titre, parce qu'on trouve qu'il représentait bien les choix très compliqués. C'est vrai qu'on passe au crible peut-être qui nous est venu en tête le plus rapidement, mais l'écriture a été très très rapide, surtout que aussi l'écriture comme la composition, on a dû faire très très vite, puisque en fait on tournait toute l'année l'année dernière avec le Bal des Enragés, et on a pris le pari d'enregistrer tout simplement tout de suite après le bal. Pour donner un exemple concret, on a fait notre dernier concert le dimanche 24 octobre dimanche au Val d'Ajol, et le lundi on rentrait et le mardi on entrait en studio directement pour commencer l'enregistrement. Donc ça c'est on a fait cet album là avec une spontanéité, je pense, ce qu'on recherchait. On s'est pas posé la question, à chaque fois qu'on était en local de répète, on composait un morceau et puis on le gardait tel quel, sans rien changer. Moi derrière, je mettais des textes, les premières choses qui me venaient comme ça à l'esprit. Et puis, ça plaisait pas. On a fait 20 en tout, 16 avec des paroles, et on en a gardé 12 pour cet album. Mais la particularité, je dirais, c'est que ça a été tout en premier jet. Ouais, en tout cas, on a découvert cet album avec plaisir. Alors, il y a bien sûr ce côté très punk, très rentre-dedans, avec des textes que tu envoies bien comme d'habitude. Et puis, il y a ces côtés un petit peu plus mélodiques, qu'on retrouve avec des chœurs, avec des parties beaucoup plus mélodiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ces différences de son, de ton? Je pense que, on avait commencé à aborder le sujet sur accident et nous ça nous a plu, on veut pas non plus à chaque fois faire un album qui se ressemble l'un après l'autre, c'est compliqué, enfin quand t'as 20 ans de carrière, il faut à la fois se renouveler en restant quand même dans ce que t'as envie de faire toi et dans la ligne de conduite du groupe et voilà, donc là on s'est dit, on avait envie de mettre d'appuyer le doigt sur les chœurs, c'est ce qu'on a fait, donc dans la composition, si tu veux, on a laissé de la place justement pour les chœurs, ce qui nous, en fait, voilà, nous a plu, je pense. Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, est-ce que c'est plus punk qu'avant ou moins punk qu'avant ? On se pose pas vraiment cette question-là. Je dirais juste que c'est ce qu'on a eu envie de faire et qu'on a fait sans trop se poser de questions, en fait, finalement. Moi, je voulais surtout parler des textes avec les chœurs, beaucoup de chœurs. Est-ce que ce sont des gens qui font partie des amis de Tagada Jones, mais qui sont juste des amis comme ça, anonymes, on va dire ? Ou est-ce que ce sont des gens, comme souvent on peut le retrouver sur certains albums, comme Stéphane Buriez ou des choses comme ça, qui sont venus prêter main forte sur les chœurs ? Je pense surtout à un titre comme Pas de futur. Alors, Pas de futur, il n'y a que nous à avoir fait les chœurs. Donc voilà, c'est le système, c'est que en fait, il y a des chœurs où justement on a fait intervenir des gens, des amis, hein, tout simplement. Là, il n'y a pas vraiment de célébrité, je dirais, c'est juste des copains qui habitent pas très loin de chez nous, qui sont venus nous filer la main sur les chœurs. Et puis il y en a d'autres où tout simplement, tu mets deux, trois couches, et toi, quand tu enregistres, tu te trouves vite, quand il y a quatre personnes qui chantent en même temps et que tu le fais trois fois de suite, tu te trouves vite avec cet effet massif, en fait, de chœur, quoi. Voilà, ça s'est fait assez vite, assez naturellement en fait. Très bien. On va écouter justement le titre Pas de futur et puis on te retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview, puisqu'il y a énormément de dates de concert qu'on a vu tomber ces derniers temps, et surtout il y a des dates au Canada, et comme l'émission est diffusée et retransmise par Radio Biz du Canada, et on va parler un petit peu de ces dates là si tu le veux bien. Pas de souci. Allez, on écoute tout de suite Pas de futur par Tagada Jones, tiré de l'album La peste et le choléra, qui est sorti le 3 mars chez Atom Music. Pour le dévaliser, un chauffard, un colo à tête de bistrot, voilà. De retour dans les studios du Rock for Show avec Nico de Tagada Jones pour ce nouvel album La Peste et le Choléra, sorti chez Atom en début de mois. Nous allons parler maintenant un petit peu. Bah, y a aussi une chanson moi, qui m'a pris au trip, puisqu'on s'est senti quand même concerné à 200% ici sur Paris. Et surtout ce soir-là, nous étions très très très proches du Bataclan. C'est la chanson Vendredi 13. Comment l'as-tu, toi, composé et ressenti de ta fenêtre de chez toi? Bah, en fait, l'idée, c'est que quand on a commencé en fait à composer cet album, on s'est tout de suite dit bah, il est hors de question de ne pas faire un morceau sur cet événement-là, qui nous a évidemment directement touché, d'une part, parce qu'on connaissait énormément de gens qui étaient présents lors de ce concert. Et puis de deux, parce que ça touche aussi un univers qui nous est habituel et familier. On avait déjà fait un morceau d'ailleurs au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Parce que c'est une amitié, parce qu'on touche aux libertés, parce que ça n'a pas de sens d'aller attaquer des civils dans ce genre de choses. Et là, j'ai envie de dire que le couvert a été malheureusement remis, mais en version en puissance 10 ou 100, enfin, si on compte en intensité ou en nombre, c'est pas pareil. Mais voilà, ce que je pense, c'est que tout ça, c'est complètement à côté de la plaque, à côté du sens commun, et nous, en vivant ça de loin, parce qu'on jouait avec Tagada, donc on était évidemment pas à Paris, mais on a été touchés en plein cœur, comme je pense beaucoup de gens, beaucoup même pas forcément que des amoureux de la musique, et puis de toute façon, voilà, ça a touché des gens qui sortaient, qui vivaient des coups dans les bars et ce genre de choses. On a eu un cri de colère, et cette colère se retrouve sur ce morceau. Il y en a d'autres qui ne peuvent sans doute pas l'exprimer comme nous on a la chance de l'exprimer, parce que finalement on a la musique pour pouvoir un petit peu s'exprimer. Mais je pense que c'était un des morceaux sur lesquels on voulait absolument en tout cas faire un titre sur la gueule. En tout cas, c'est vraiment un titre qui ouvre, qui est poignant déjà, et qui ouvre vraiment avec un cri d'injustice, justement, ce magnifique album qui est La Peste et le Choléra. Parlons un petit peu aussi, parce que on est en plein dedans aujourd'hui. Comment est ta vision des choses aujourd'hui au niveau de la politique, de ce qui se passe aujourd'hui pour ces présidentielles, si tu as envie d'en parler, bien évidemment. Comment est-ce que tu perçois tout ça? Est-ce que Tagada Jones et Nico est un peu perdu par rapport à tout ce qu'on nous propose pas, parce qu'on nous propose rien en fait. On nous parle plus des affaires que d'un véritable programme. Comment tu te situes par rapport à tout ça? Bah nous on n'est pas perdu, puisque finalement j'ai l'impression que c'est plutôt les politiciens qui sont perdus. On a toujours été un groupe, puis moi personnellement, dominant de gauche, mais aujourd'hui je me retrouve dans aucun parti. C'est là je pense où il y a des grands débats que tout le monde est en train de lancer, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui les politiciens ils sont complètement, et encore plus qu'avant, à côté de la plaque, et que même les gens comme nous par exemple, avoir un avis bien tranché, et on n'est pas perdu dans notre échiquier politique, on sait qu'on est de gauche et qu'on restera de gauche, même en étant comme ça clair dans nos têtes, à aucun moment on se trouve en phase avec n'importe lequel des candidats, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un aujourd'hui sur lequel tu peux te dire je comprends tout à fait ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui les politiciens sont à des années-lumière de la réalité. Ils n'ont plus aucune parole, ils se retrouvent tous avec des affaires au cul, comme il y en a toujours eu, je pense, mais sauf aujourd'hui, on est sans doute plus au courant. Donc, c'est vrai que ce qui se passe là, c'est un peu pathétique, c'est sûrement pas tôt de dire ça, parce que tout le monde le pense et tout le monde le sait. La seule chose, un petit peu, par contre, qui m'anime, en tout cas, pour remettre le débat au bout du jour, c'est que beaucoup de gens perdus aujourd'hui vont aller voter pour le Front National, alors que c'est une erreur incommensurable, c'est-à-dire que le Front National, c'est jamais que des racistes, là qui aujourd'hui essaient de se cacher derrière une espèce de respectabilité du parti, mais qui ne pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu leur donnes le pouvoir, hein, t'inquiète pas, ils en profitent pour mettre leurs règles et puis surtout leur façon de penser en route. Et voilà, donc nous, clairement, aujourd'hui, voilà, ce qu'on a à dire, cet album, il n'est pas politisé dans le sens où on adhère à un parti, parce qu'on adhère à aucun parti, et même comme tous les gens, on est complètement paumé, on se retrouve dans aucun projet, il n'y en a pas un qui est capable de donner une ligne de conduite, une ligne directrice claire. Mais par contre, on a la velléité vraiment de combattre le Front National, parce que ça, ce sera la plus belle connerie qui puisse arriver. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que ils sont tellement dédiabolisés que y a des jeunes qui vont dire oh bah, moi qui font National. Alors d'un côté, ils ont une dualité, on a la fondue en fait avec le Sud-Est, on continue un petit peu sur les traces du père, et puis on a le côté plus soft, qui essaie de se présenter comme étant plus soft, et je pense que c'est ce côté-là qui est dit des jeunes, à mon avis, qui n'ont pas la culture du passé, ou alors pas vraiment été se renseigner sur ce que fait le Front National et les idées qu'ils veulent véhiculer. Mais quand tu creuses un tout petit peu, si tu veux, c'est une montagne qui se cache derrière un gravier, et je ne comprends même pas que les gens n'arrivent pas à voir ça. C'est pourtant super simple et super facile à voir, mais aujourd'hui, voilà, il semble que beaucoup de gens se laissent berner. Donc nous, on a quand même envie là-dessus de non pas défendre la politique, parce qu'aujourd'hui la politique elle est à côté de la plaque et personne ne peut comprendre le peuple, même les gens de gauche ils font de l'individualisme au possible, mais ceci dit, il va quand même falloir lutter pour pas apporter notre pays à des racistes et fâchés tout simplement quoi. Très bien, on va parler de choses bien plus positives puisque nous aurons Tagada Jones en live bientôt, très bientôt même. Je crois que la tournée commence là fin mars. Et pour nous, les dates qui nous intéressent le plus sont les dates aux alentours de Paris. Il y en a une le 2 avril qui sera à la clé à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Il y en aura une autre le 22 avril à l'Élysée-Montmartre, très très très belle salle, je pense que ce sera le point d'orgue parisien. Et puis il y aura une troisième date qui se trouvera à l'Empreinte, à Savigny-le-Temple, et ça ce sera le 5 mai. Exactement. Et puis bon, il y en a plein d'autres, hein, vous pourrez retrouver donc toutes les dates sur le site et sur la page Facebook de Tagada Jones, et il s'en rajoute je crois même toutes les semaines, parce qu'il y en a des nouvelles qui tombent. Et ce qui nous intéresse également beaucoup, c'est l'exportation de Tagada Jones au Canada et aux États-Unis. J'ai vu aussi la Belgique, j'ai vu la Tchécoslovaquie également. Donc, est-ce que tu peux nous parler, surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est le Québec. Parce que je crois qu'il y a une espèce de petite histoire d'amour entre Tagada Jones et le Québec quand même. Bah ouais, le Québec, c'est sûr que c'est un pays où on a... finalement, le Canada est un pays, le Québec est une région. Mais on y est allé plus de 10 fois. On a fait plus de 100 dates. Je crois qu'on y est allé 14 fois, donc là, la prochaine fois sera la 15e fois. Et c'est vraiment un endroit où on tourne. Si on est un groupe québécois, finalement, c'est assez drôle. Il y a eu un coup de cœur dès qu'on est allé la première fois. Et puis depuis, on tourne très régulièrement. On fait 2 voire 3 tournées par album. Et on est vraiment content à chaque fois de retourner au Québec. Ça nous manque, même là, ça fait un an là, qu'on n'a pas été, parce que global, on n'a pas été au Québec. Et donc, allez, je dirais que ça fait un an et demi qu'on n'a pas été au Québec. Ça nous manque, on est là, mais alors, quand est-ce qu'on y retourne? Donc voilà, nous, on est super contents d'y retourner. On a aussi énormément de messages de Québécois qui disent, mais alors, quand est-ce que vous revenez? Donc voilà, mois de mai, le tir va être rectifié. On va les présenter ce nouvel album chez les Québécois. Bon, en tout cas, on vous souhaite tabernacle de bien, bien défourailler là-bas. Nous, on va passer un troisième titre de Tagada Jones. On va te remercier pour cette brève interview. On aurait préféré t'avoir dans les studios, bien entendu, mais bon, c'est vrai que Rennes et Paris, c'est pas la porte à côté, hein, bien évidemment. Mais bon, on ne désespère pas. Et puis, je pense que sur une des 3 dates parisiennes, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, nous aurons l'occasion d'aller te voir comme nous l'avions fait déjà au Divan du Monde la dernière fois. Et voilà. Donc, on va te souhaiter plein de bonnes choses. choses à toi et au reste du groupe Tagada Jones. Et puis Tom avait une petite question, il se demandait comme ça en début d'émission, parce qu'on a passé Danko Jones et puis il voulait passer aussi Michael Jones, et il voulait savoir si Tagada Jones était de la même famille. Bah écoute, on est quand même leurs ancêtres, le groupe a commencé bien avant eux, donc on pourrait dire que ça passe de notre petit frère ou de nos cousins, je sais pas. Voilà, c'était la petite pointe d'humour pour finir. Et puis, ben, écoute, on va te souhaiter bonne route. Et puis, je sais qu'il y aura encore plein de sujets de contestation pour encore de nombreux albums. Et ben, on va te souhaiter tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses. Et puis surtout, bon, on va inciter tout le monde quand même à aller voter, parce qu'il va falloir quand même aller voter. Maintenant, il va falloir contester également dans les urnes, parce que c'est aussi ça. Et puis, aller voir Tagada Jones sur scène, parce qu'il y aura plein de messages qui peuvent vous intéresser à travers toutes ces chansons, à travers tous ces albums d'ailleurs depuis le début. Et encore un grand merci à toi Nico d'avoir répondu à cette petite interview. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci bien. On va passer quel titre, mon cher Tom, pour terminer ? Envers et contre tous, c'est ça ? Envers et contre tous, bah ça tombe bien. Hein. Merci Nico. Voilà. Bonne soirée Nico, et on enchaîne avec Envers et contre tous, tiré de La Peste et le Choléra, sorti le 3 mars chez At Home. C'est parti, musique. On parle de corruption, de la... De retour dans les studios, vous êtes à l'écoute du Rock for Show ce soir, une émission un peu chaotique, mes amis. Mais bon, on va s'en sortir, on va aller jusqu'au bout. Il est 21h ici à Paris. Il est donc 16h, c'est ça, mon cher Tom, au Québec. Et vous êtes en train d'écouter Ascent, un groupe que l'on a reçu en interview il y a 2 semaines, hein, pour la présentation de leur nouvel album. Et puis surtout pour vous prévenir qu'ils sont aussi en concert le 31 mars. Je crois qu'on l'avait déjà dit. Hein. Ouais, mais on va le redire. Donc on vous le répète, au cas où vous n'auriez pas compris. Bah non, parce que c'était il y a 2 semaines. C'était il y a deux semaines, et au cas où vous avez dormi entre temps, et ben. C'est le 31 mars au Studio Campus avec Raptor King et King Phantom. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, y a des places à gagner au 06 81 01 28 34. Mais si vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission en direct, bah, c'est un peu raté pour les places à gagner. Non, parce qu'on va tâcher de la rediffuser. Oui, mais ce sera en diffusion, mais le concert sera. Oui, on remarque qu'il ne sera pas encore passé. Le donc, 31 mars, ça on pourra a, aller. Pas encore 2 semaines. Hein, vous pourrez encore nous appeler. On diffusera peut-être que quand vous l'écouterez, ça sera la semaine dernière qu'on a enregistré l'émission. Parce que là, on va dire qu'on enregistre. Hein. Bah oui, là, on est obligé de dire qu'on enregistre, hein, puisque le Canada n'a pas fait le relais. Bon, c'est pas grave. Ascent donc, et on va enchaîner avec les concerts de ce week-end. Donc par contre, quand vous allez l'écouter là, allez, on va passer donc au concert d'ADX qui sera en concert le 18 et le 25 mars. Alors le 18, ils seront à Montbéliard avec Ignis Fatuus, qui sera le groupe que nous écouterons ensuite. Et ils seront à Grenoble avec Lone Wolf, alors que nous sommes en train de perdre notre, notre invité mystère qui est en train de s'étouffer. Ce soir, ça va être gay. Donc on va commencer avec ADX, tiré de leur album Non Serviam, sorti chez Ultime Records au mois de juin 2016. La tournée continue, bien évidemment, après les fameux concerts du Paris Metal France Festival de janvier, où le groupe avait joué 3 soirs de suite. On va vous passer ce soir donc La Furie tirée de cet album. Nous enchaînerons ensuite avec Ignis Fatuus. Tiré de l'album. Est-ce qu'on en parle? Ouais, bien sûr qu'on en parle. Donc, tiré de leur album Second Offering. Et le titre que nous allons vous diffuser et leur clip également. Non, c'est pas ça, c'est Excruciating. Excruciating Future. Exactement. C'est un groupe qui nous vient de Montbéliard, donc c'est les régionaux de l'étape, bien évidemment. Ils nous font du death mélodique teinté de thrash metal. Donc ils sont français, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, l'album sort très très très bientôt. C'est une autoproduction. Où il est sorti? Non, il a dû déjà sortir. Je crois qu'il a dû sortir en fin 2016, me semble-t-il. Hein, mais tu ne le sais pas parce que je ne l'ai pas marqué, hein, c'est ça. Sachez donc qu'ils seront. Surtout que c'est pas le style de musique que j'écoute, donc du coup, tu vois, je suis pas à la page. Déjà. Voilà. Ils seront donc en concert à Montbéliard, à l'Atelier des Môles, avec ADX. Ça sera donc ce samedi. Pourquoi j'ai marqué 11? Non, le 11 c'était mais normalement non, Madrid. C'est pas le 11. C'est ce week-end. Ouais, c'est ce week-end. C'est donc le 18. Le 18, exactement. Et le 25 à Grenoble. Et le 25, ils seront donc à Grenoble avec Lone Wolf que nous passerons avec le titre Demons Fire, tiré de leur tout dernier et excellentissime album qui se nomme The Heathen Dawn. Exactement, sorti chez Massacre Records. En mai 2016, ouais. Tout à fait. Et nous les avions vus au Paris Metal France Festival en janvier. Et nous les avons revus la semaine. C'était quand? Il y a 2 semaines maintenant, Pascaline? Ça doit être il y a 2 semaines. Mais non, film, c'était ce week-end, non? Non, c'était il y a 15 jours. Ça passe trop vite. Le temps passe vraiment vite. Et on a donc revu Lone Wolf qui nous a servi à un excellentissime concert. Alors parlons un petit peu de film, le petit débrief de film, c'était vraiment très bien, hein, n'est-ce pas mon cher Tom? C'était bien très mangé. Bien. Ouais, c'était cool. Bon, salut au passage le restaurant, c'était cool. L'hôtel-restaurant, le seul. Non, ils font même plus hôtel. Ah, ils font plus hôtel. C'est marqué hôtel, mais c'est des appartements. Attends, voilà, donc ils font même plus hôtel. En tout cas, de ce que j'ai compris, ouais, Pascaline me confirmera. C'était très bon. Voilà. En tout cas, l'album donc de Lone Wolf est leur 8e album. Il comporte 11 titres et il est excellentissime. Et ma chère Jen, il faut que tu jettes une oreille sur cet album parce que je pense que ça devrait te plaire avec toutes les hymnes et toutes les guitares, les mélodies de guitare qu'il y a. Ça devrait franchement toucher tes oreilles et ton petit cœur. Probablement, mais jeter mon oreille, non. Non, tu la gardes. Je la garde. Sincèrement, j'en ai besoin. Même si t'en as deux. Voilà. Même d'accord, si très bien. Mais oui, j'ai réécouté. Donc c'est un groupe de Heavy Speed qui s'est formé en 1992 et ils seront le 25 mars à Grenoble, pas tout seuls, ils seront avec ADX à l'Ampérage et avec Gravd. Et puis il y a un autre groupe je crois qui est avec eux également, mais dont je n'ai pas le nom, à moins que tu l'aies sur ta liste ma chère Jen. Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, donc j'ai oublié de noter le quatrième nom de ce concert. Et ben voilà quoi, on va passer à la musique maintenant. Donc ADX, Ignis Fatum et Lone Wolf. Et Lone Wolf, c'est parti. Prévu c'est de mépris traîné dans les viscères. Tu ne peux partager ma collection de chair. De mes de mon génie, ornez les plus belles pièces d'un chute qui pétrifie. Une danse devant mon chef-d'œuvre, admirez le dominateur dans cet échiquier. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et nous venons d'écouter Alex Sinis Fatus et Lone Wolf. Arrouh, comme disait Luna Wolf. T'es avec nous, Jan, ou pas? Mais oui! Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on entend là en fond sonore? Alors, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Non, mais, non, mais... Voyons voir si elle suit. Voyons voir si elle suit quand même. Au bout de que, qu'on rigole. Non mais qu'on rigole un peu. Voyons voir si elle suit. Et en fond sonore, nous écoutons Tagada Jones. Bravo. Alors là, moi, je dis bravo avec tous ces événements qui sont arrivés ce soir. Alors, désolée, je t'ai perturbé parce que je viens d'apprendre qu'il y a une fusillade à Grasse. Oui. Alors moi, comme j'ai pas la télé. Tu te réveilles, toi. Bah ouais, c'était mais comme matin, j'ai pas la télé et que je suis pas allée sur Facebook de la journée, du coup j'ai pas vu. Voilà, bah... Et il y a Dedo qui dit d'accord, ils se plaignent que ces jeunes écoutaient du métal. Bah, ça veut dire que le métal ça rend agressif. Et Dedo qui rajoute donc si on écoute Queen, on devient gay quoi. Oui, aussi, oui, non, on passe l'aspirateur. Enfin, c'est n'importe quoi, bah, bravo quoi. Non mais du coup, mais voilà, allô désolé. Allô quoi, allô. Bon, dis-nous un petit truc là, tu nous as raconté une blague là tout à l'heure, quand on s'est bien marré. Est-ce que tu peux nous la dire? À l'antenne. Est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir le savoir? Ouais, moi je veux non, bien. Non, moi j'ai pas envie de l'entendre. T'as pas envie de l'entendre? Parce que tu l'as déjà entendu, t'as déjà rigolé, donc tu veux. Non, j'ai même pas forcément rigolé, ce. C'est vrai? Pourquoi? Vous trouvez ça nul? Non, parce qu'il est triste, parce que ce soir on n'est pas diffusé sur. Ça y est, il a fait monter la mayonnaise et. Il a fait monter les blancs, ça, on vous alors, mettra les photos. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Génération 80, quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Génération 2000, quand je vois tes fesses, mon zizi se dresse à la vitesse. Une Mercedes. Voilà, non, voilà, c'est bien. Moi, j'aime toujours des blagues pourries. Voilà, mais j'aime bien. Tu sais, chez nous, au bureau, quand on fait une blague pourrie comme ça, on met 50 centimes dans un our. Hein. D'accord. Okay. Là, ça va être une bouteille de vin. Hein. Ah non, mais là, c'est carrément. Faut que je remplisse ta tirelire d'avance. Alors, Quick and Dirty, c'est le titre. Enfin, c'est le groupe que nous allons écouter ensuite. C'est sorti chez Do It, ça sort demain chez Do It, attention, ça sort demain. C'est un quatuor de rock qui nous vient de Paris et ils seront en concert le 24 mars pour leur release party. Ça sera au Gibus Live. Tout à fait. Et nous avons des places à vous faire gagner. C'est quand c'est demain, tu dis ? Le 24. Ah, le 24 mars. Y a le temps. Mais... Oui, il y aura le temps. Hein. Mais... Le 24 mars, donc vous pourrez, en réécoutant cette émission, gagner ces places. C'est-à-dire vous et même en réécoutant l'émission, parce que du coup, on va la rediffuser la semaine prochaine. Ça. On sera bien obligé. On la rediffuse, on est pour nous le 22-16 et pour vous, auditeurs, on est le 23. Voilà. Non, on n'est pas le 22-16, on est le 16. Oui, on est le 16, nous. Ouais. Nous, chers. On est en train d'enregistrer, de diffuser l'émission. Non, mais laisse tomber. C'est le bordel ce soir. Voilà, l'émission sera diffusée la semaine prochaine pour les auditeurs. Voilà, très bien, voilà. On a compris. Vous envoyez un SMS, vous gagnez. Au 06 81 01 28 34. Voilà, pour gagner tout ce qu'il y avait aujourd'hui à gagner dans l'émission, bah, vous nous envoyez ça dès que vous pourrez, dès que vous entendrez cette émission. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, on terminera cette émission avec un groupe qui s'appelle Ormist, qui est sorti chez MEO Music le 6 mars. C'est un quintet français de symphonique, prog, metal, à chant féminin qui va plaire, mais assurément, à notre chère Jen. C'est leur premier album. L'album s'appelle Arcane Streams. Par contre, est-ce qu'on a le titre de l'album de Quick and... Non, je ne l'ai pas encore. C'est... Oui, c'est... Falling Down. Voilà, ça c'est le titre de leur EP. Donc ne les ratez pas, hein, ça sera le 24 mars. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir écouter tout ça. Ormist, qu'on rediffusera peut-être ou pas, selon vos desiderata. Et selon si notre chère Jen a aimé ou pas. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein, donc, à découvrir, à écouter surtout. Sans préjugés. Hein, avant, sans aucun préjugé. Sans aucun préjugé. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est du voix, genre... Lyrique ? Lyrique. Non. Enfin, pas autant que ça. Est-ce que c'est genre épica, genre... Il y a de ça dans la musique, un petit peu. Mais c'est pas... C'est... Voilà, je pense que ça se laisse écouter. Hein. Franchement, c'est à découvrir. Ouais, bah okay, ouais. Allez, on envoie la musique et on vous dit à la semaine prochaine. Enfin non, ce sera la même chose la semaine prochaine. En tout cas, c'était rock, c'était fort. C'était chaud. C'était très chaud, mais dans le mauvais sens. C'était le rock for show. À la semaine prochaine. Bye bye. That's how I am. What about my dead brain? Think I did a Supertramp. I'm sure to be a nice guy.